pas trouvé mon rythme, il était beaucoup mieux que moi. Plus puissant, plus précis. À 21-5, je me suis dit, bon, il faut profiter de la partie, il faut jouer chaque point et essayer d'aller le plus loin possible. Et finalement, j'ai eu un peu de chance à la fin. C'est dommage pour lui parce qu'il a fait une partie formidable.